professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le peuple refuse-t-il d'aller conquérir la terre promise? Quelle est cette nouvelle révolte et quel est le drôle de pardon de Yahvé? Qui est Caleb, vénérateur de Yahvé, nous dit Thomas Römer. Comment faire de Moïse un ancêtre? Nous voici presque au terme de la grande enquête analyse au cœur du livre des Nombres dans le Pentateuque par Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques pour sa série intitulée « Israël dans le désert ». Le philologue exégète, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, aime croiser les sources et les disciplines pour rendre toute la richesse du contexte culturel et idéologique qui a contribué à la création de la Bible. Il explore cette semaine les différentes révoltes du peuple élu dans le livre des Nombres. Il a présenté et commenté au plus près du texte, au chapitre 11, la révolte contre la manne et celle de Moïse, puis au chapitre suivant, la révolte contre l'autorité de Moïse et la critique des mariages mixtes. Et nous voici au chapitre 13 et 14, après l'exploration du pays promis et l'envoi d'espions, confrontés à la peur des Hébreux, à leur nostalgie de l'Égypte. Nous assistons à la révolte contre l'Exode et contre la conquête. Ce grand cycle de rébellion qui va aboutir au châtiment de la première génération des Hébreux, condamnés à errer 40 ans dans le désert et à ne pas connaître la terre promise, s'achève au chapitre 16 et 17 par les révoltes contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Faut-il voir dans le refus de la conquête aussi une image de la situation après la destruction du royaume de Juda en 587 avant Jésus-Christ, demande le philologue. Dans ce moment de doute populaire qui met Dieu en colère, le seul qui défend la conquête du pays de miel est Caleb. Thomas Römer s'attache à ce personnage et questionne les différentes phases et versions du texte. Mais Yahvé s'impatiente. « Jusqu'à quand aurais-je affaire à cette méchante communauté qui proteste contre moi ?» demande-t-il à Moïse et Aaron. Thomas Römer interroge l'étrange pardon de Yahvé, condamnant ceux qui ont eu peur et qui n'ont pas voulu conquérir le pays à mourir avant de connaître la terre promise. Le chiffre des 40 ans est symbolique et englobe bien une génération. Entre cet avant-dernier cours et celui qui suit demain, l'interrogation sur la faute de la première génération et sa responsabilité est mise en avant par l'exégète qui souligne la façon dont Moïse, en tant que chef, se retrouve solidaire de son peuple de peu de foi. Cela posé, comment faire dès lors de Moïse un ancêtre? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 27 avril 2017 pour la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui, le refus de la conquête et des 40 ans dans le désert, chapitres 13 et 14. Aujourd'hui, nous arrivons à un texte qui est vraiment le texte central du livre des Nombres. C'est l'histoire des espions qui explorent le pays et qui reviennent avec une grappe magnifique. Mais après, les choses se détériorent un peu, comme vous allez le voir. En fait, c'est le refus du peuple d'aller conquérir le pays, ce qui fait que la première génération va mourir dans le désert. Donc, c'est un texte très long qui, en fait, va sur deux chapitres, donc le chapitre 13 et le chapitre 14 du Livre des Nombres. Donc, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'autrement, on aura pour l'heure de ce cours. Donc je vous invite aussi à relire ça chez vous tranquillement dans une Bible. Je vous rappelle simplement les choses et après on reprendra un peu plus au détail. Donc l'histoire commence dans le désert de Paran, où en fait le peuple est arrivé à la suite de l'histoire précédente, donc les révoltes Myriam et Aaron contre Moïse. Ensuite, donc oui, quand on est à Paran, ben finalement, on n'est pas très loin du pays de la terre promise. Hein. Donc, on est assez proche. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, Moïse, en fait, maintenant, suite à un ordre divin, envoie 12 explorateurs, 12 espions pour explorer le pays. Puis, on donne la liste et puis ils partent. Et après 40 jours, ils reviennent avec cette magnifique grappe de raisins. Et donc, on se dit, tout va bien. Mais finalement, les gens disent, oui, c'est bien, mais quand même, les habitants, c'est des géants, et puis c'est pas facile. Donc, ils mettent plutôt en question leur capacité de se battre contre ces gens. Donc, ils disent, nous, à côté d'eux, on est des sauterelles. Seulement une personne au début, un dénommé Caleb, dit, non, on va y aller. Il sera rejoint plus tard par Josué, mais là, il est encore tout seul. Mais le peuple, on ne fera pas de parallèle avec des élections ou autre chose, mais le peuple, évidemment, a plutôt toujours un peu tendance à suivre le discours de catastrophisme en disant « Non, nous n'allons pas ». Ils ne disent pas « Nous votons pas », mais ils disent « Nous n'allons pas ». Et donc, ils vont même, en fait, avoir cette idée, et ça, c'est vraiment pour la première fois, de vouloir retourner en Égypte. Donnons-nous un autre chef et retournons en Égypte. Sauf ici, Josué, maintenant, qui a rejoint Caleb, font un discours, en fait, pour contrer cette opinion, sans trop de succès. La communauté pense lapider Moïse et Aaron, probablement, alors que là, évidemment, Yahvé arrive et maintenant, tellement en colère, dit « C'est fini avec ce peuple, je vais tous les éradiquer. » Et c'est seulement grâce à une longue intervention de Moïse, une longue prière d'intercession, que Yahvé change son avis et puis Moïse lui dit « Pardonne donc la faute de ce peuple. » Et Yahvé dit « Je pardonne. » Seulement, c'est un drôle de pardon, parce qu'il y a quand même des gens qui vont mourir, et toute la première génération va errer 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils en meurent là aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment un pardon ? Question qu'on peut se poser, mais on se le posera. Et comme le récit est assez complexe, il y a de nouveau, Yahvé reparle à Moïse et Aaron pour, en fait, encore préciser la punition, disons, voilà, les 40 jours qu'ils ont passés dans le pays, ce sera 40 jours dans le désert. Et immédiatement, les 10 espions qui avaient en fait décrié le pays meurent immédiatement. Le peuple, du coup, dit non, on va quand même conquérir le pays, contre l'avis cette fois-ci de Moïse et de Yahvé. Et évidemment, ils sont sèchement battus par les Amalécites, les Cananéens et tous d'autres habitants du pays. Et donc, ils subissent une défaite sévère, et c'est ainsi que se termine cette histoire. Donc, ce n'est pas une histoire qui a un happy end, mais qui met en fait en question, ou qui pose la question justement de la suite des générations, comme nous l'avons vu déjà au niveau aussi des recensements, et qui pose aussi la question du pardon et de la punition divine. Donc, je vous rappelle très brièvement, nous avons vu, c'est une histoire qui apparaît après deux autres révoltes, révolte contre la manne, mais aussi de Moïse, et puis la révolte contre l'autorité de Moïse par Aaron et Myriam. Et aujourd'hui, en fait, c'est le peuple entier qui se révolte contre Moïse et Aaron, et surtout contre l'Exode et contre la conquête. Ensuite, au chapitre 15, nous avons une sorte d'interlude avec toutes sortes de compléments à d'autres lois, jusqu'à ce qu'on reprend le cycle des révoltes au chapitre 16 et 17. Et puis ça continue jusqu'au chapitre 20-21. Nous verrons ça la prochaine fois. Donc juste pour dire, apparemment, ça montre de nouveau un peu comment ce livre des Nombres a vu le jour, parce que quelqu'un a intégré encore des suppléments à la loi. Donc, je vous ai dit, c'est un livre, en fait, qui est déjà une sorte de midrash des textes plus anciens du Pentateuque. Alors, c'est une structure assez complexe. On pourrait dire, en fait, il y a un cadre qui est fait par deux expéditions. L'expédition des explorateurs envoyés par Moïse, sur l'ordre de Yahvé, et ensuite l'expédition du peuple à la fin, mais qui, elle, en fait, échoue. Au milieu, en fait, il y a cette idée d'abandonner le projet de l'Exode, de retourner en Égypte, alors que Josué et Caleb maintiennent le projet. Et puis ça, ça fait en effet, si vous voulez, un peu le pivot, parce que dans la suite, en effet, le peuple qui veut abandonner le projet sera en effet sanctionné, donc en effet, il n'entrera pas dans le pays, alors que Josué et Caleb, on va dire qu'ils entrent. Alors Moïse et Aaron, ils restent muets, là, et le narrateur aussi reste muet sur le destin de Moïse et d'Aaron. Après, on apprendra qu'ils meurent aussi avant d'entrer dans le pays, mais ici, ce n'est pas du tout annoncé. Donc le lecteur ou le destinataire du récit reste un peu dans l'expectative pour savoir mais qu'est-ce qu'il va, en effet, leur arriver. C'est une très longue histoire, et évidemment, elle n'est pas écrite d'un seul trait. Je vous donne quelques exemples qui montrent, en effet, que c'est une histoire assez complexe. La première chose, quelle est l'étendue du pays à explorer ? Quand on lit d'abord le verset 1, on a l'impression qu'il faut explorer tout le pays, pour explorer le pays de Canaan. Et le narrateur le dit aussi, Moïse les envoyait explorer le pays de Canaan. Mais, si vous lisez après, montez dans le Négev. Ce n'est pas tout le pays de Canaan. Et c'est pareil à la suite. Au verset 21, on dit, ils montèrent et explorèrent tout le pays, depuis le désert de Tsin dans le désert, jusqu'à Rehov et les Bohamat. Nous allons voir, c'est vraiment plus haut que le pays. En fait, ça va jusqu'à de la région des Araméens. Alors que, au verset 22, ils sont en fait de nouveau dans le Négev et dans les alentours de Hébron. Donc apparemment, il y a deux versions différentes. Dans une version, ils explorent la région de Hébron, et dans une autre version, ils explorent l'ensemble du pays. Ensuite, il y a l'histoire de Caleb, Josué, Caleb-Josué, Josué-Caleb. Il y a des versets où Caleb est tout seul. C'est Caleb qui semble être le seul à s'opposer au peuple et qui, du coup, est, en effet, récompensé par Yahvé qui dit « Compte à mon serviteur Caleb ». Là, on ne parle pas du tout de Josué. Et ensuite, on a des textes qui parlent de Caleb et Josué. Et on a l'impression que petit à petit, Josué se met devant Caleb parce qu'après, on a des versets « Josué et Caleb ». Alors, qui est le plus important des deux? Là, il y a une compétition, apparemment. Probablement, nous allons le voir, la figure la plus ancienne, c'est quand même la figure de Caleb. Vous savez qui est Caleb? Vous allez le voir dans un instant. Puis, la réaction du peuple aussi, elle est aussi pas tout à fait cohérente. Parce que au verset 2, ils disent « Nous voulons mourir. » On en a marre. C'est un peu comme Élie, Job, etc. Et puis après, ils disent non, nous allons retourner en Égypte. Donc ils veulent quand même vivre deux attitudes assez différentes qui sont reliées par le verset 3. Et puis, qui les Israélites veulent-ils lapider ? Parce qu'on dit en fait Moïse et Aaron tombèrent sur la face, et au verset 10, on a toute la communauté parler de les lapider. Mais si vous prenez le texte tel que nous l'avons actuellement, nous avons là un discours de Josué et de Caleb. Donc si on prend le texte tel que nous l'avons, logiquement, ils voudraient lapider Josué et Caleb. Mais dans la suite du récit, c'est plus logique de lire en fait le verset 5 suivi du verset 10. Donc c'est-à-dire, en fait, vous avez là une insertion qui interrompt le fil narratif. De même, tous ces textes qui mettent en place la protestation du peuple contre Moïse et Aaron, ça commence avec le verset 2, ça continue avec le verset 5, le verset 10, pour les lapider. Bah, curieusement, lorsque Yahvé est apparu sur la tente, il parle seulement à Moïse. Par contre, si vous prenez le verset 26, Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Et dans les deux cas, vous avez une question un peu comparable, jusqu'à quand ? C'est-à-dire, j'en ai marre, jusqu'à quand ? Donc là aussi, vous pouvez très bien lire le verset 10 et continuer avec le verset 26. C'est-à-dire, vous avez là deux discours divins parallèles. Dans le premier discours, Moïse intercède. Dans le deuxième discours, Yahvé, en fait, indique sa sanction sans qu'il y ait intercession de Moïse. Et puis, dernière chose qu'on peut encore remarquer, qu'à partir du verset 39, donc cette histoire de la conquête qui ne réussit pas, ni Caleb, ni Josué, ni Aaron apparaissent, c'est seulement Moïse face au peuple. Donc là aussi, on peut se poser la question s'il n'y a pas quand même là une tradition antérieure où il y a seulement Moïse et le peuple. Donc, vous voyez, c'est complexe et compliqué. On peut dire qu'il y a grosso modo deux versions différentes. Une version qui utilise le vocabulaire sacerdotal, qui parle de Eda, de la communauté, qui parle de Bené Israël, des fils d'Israël, du Kavod Adonai, de la gloire de Yahvé. C'est tout un vocabulaire qu'on peut assez facilement, en effet, mettre sous le compte d'un milieu qui est le milieu des prêtres. Et un autre récit qu'on a souvent appelé le récit yaviste ou éloïste, mais puisque ces documents, à mon avis, n'existent pas, il vaudrait mieux parler d'une version non-paix, non-sacerdotale. Donc, évidemment, c'est pas très précis, mais pour le moment, c'est juste pour distinguer en fait les deux versions. Après, mais là, je vous laisse aussi vous faire votre opinion, est-ce que c'était deux versions parallèles, indépendantes, du même récit ? Ou est-ce qu'il y avait une version plus ancienne que l'autre a en effet complétée ? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à décider. Là, si on avait beaucoup de temps, je vous lirais tout ça, mais n'ayez crainte. Là, vous avez la version sacerdotale. Ça se lit assez bien, comme un récit indépendant, mais il manque évidemment la fin, d'une certaine manière. Donc, difficile de savoir si c'était vraiment un récit indépendant. Dans cette version-là, il n'y a pas d'intercession de Moïse. Yahvé est souverain. Ça, il sait de toute façon ce qu'il doit faire et il n'a pas besoin de l'intercession de Moïse. Contrairement à la version non sacerdotale, où en effet, sans l'intercession de Moïse, Yahvé ne changerait pas d'avis. Donc là, en effet, c'est une longue prière d'intercession qui est au centre. Et alors, pour compliquer encore les choses, ben, il faut vous signaler que ce récit a un parallèle dans le livre du Deutéronome. Chapitre 1, Moïse raconte encore une fois la même histoire. Mais pas tout à fait la même histoire. C'est à la première personne, qui est aussi une histoire compliquée, avec des ajouts, etc. De nouveau, je n'entre pas dans le détail, mais qui a aussi un certain nombre de différences que je voudrais quand même très brièvement vous présenter, les différences. C'est en Deutéronome 1, c'est le peuple qui demande d'envoyer des espions, et pas Yahvé, comme au nombre 13. Ensuite, en Deutéronome 1, le peuple refuse de monter sans que les espions aient décrié le pays. Est-ce que c'est sous-entendu ou est-ce que ce trait n'existe pas encore ? Caleb et Josué sont mentionnés tous les deux, mais ils ne sont pas ensemble. En Deutéronome 1, Josué n'est pas un espion, n'est pas un explorateur. Il est le successeur de Moïse. Caleb est seul représentant là des explorateurs. Et grande différence, très grande différence, c'est en Deutéronome 1, Yahvé annonce à Moïse immédiatement qu'il n'entre pas dans le pays. Ce qui n'est pas du tout dit en Nombre 13, 14. Dans Deutéronome 1, 37, Moïse dit « Aussi, contre moi, Yahvé s'est mis en colère à cause de vous, et il m'a dit « Tu n'entreras pas dans le pays ». Et puis, l'ordre de se tourner à la fin vers la mer de Jean, en direction de l'Égypte, est beaucoup plus logique dans le contexte de Deutéronome 1, parce que cet ordre est exécuté immédiatement, contrairement à ce qui se passe dans le livre des Nombres. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le récit de Deutéronome 1 semble imaginer directement un chemin de la montagne divine jusqu'à Kadesh Barnéa, où le peuple se trouve aussi au nombre 13-14, à savoir qu'il n'y a pas d'allusion du tout aux événements que nous avons analysés dans les semaines précédentes, donc chapitres 11 et 12. L'auteur de Deutéronome 1 ne semble pas les connaître. Conclusion, nombre 13-14 est probablement le noyau de tous ces récits de révolte, le récit le plus ancien, à partir duquel s'est construit les autres récits et qui est même à l'origine, me semble-t-il, du livre des Nombres. Le livre des Nombres a commencé à grandir à partir de ce récit-là qu'on a d'abord mis pour faire le lien entre le Lévitique et le Deutéronome. Donc, à mon avis, on ne peut pas dire que Deutéronome 1 se fonde ou résume nombre 13-14, comme on le dit très souvent. C'est plutôt le contraire. C'est un état antérieur, bien que les deux ont peut-être, en effet, une tradition orale qu'ils utilisent tous les deux. Et au niveau des traditions, c'est ce qui est clair, il y a deux thèmes ou deux sujets importants. C'est l'idée de la conquête et la figure de Caleb. Parce que ça me semble difficile de l'inventer après coup. Alors, très brièvement, les explorateurs. Ça, c'est un thème, en effet, qu'on trouve à plusieurs endroits dans les récits bibliques. Avant la conquête de Jéricho, il y a les explorateurs qui vont chez Rahab, avant qu'on conquiert la ville de Haï, et ainsi de suite. Dans ces textes-là, on a deux racines, ragal, donc les pieds, parcourir, mais aussi déjà prendre possession en parcourant, et chapar, découvrir, d'une manière un peu violente, qui sont en fait des termes militaires. Ces termes militaires font défaut au nombre 13-14. On parle simplement de regarder le pays, en nombre 13-14 dans la version non sacerdotale, et dans la version sacerdotale, on utilise la racine tour, regarder aussi, examiner, sans connotation militaire. Donc, est-ce qu'on voulait démilitariser déjà la chose ? C'est possible, mais c'est probablement donc un récit plus récent que ces récits précédents dont je vous ai parlé. La figure de Caleb. Donc, vous avez dit, vous ne connaissez pas Caleb. Alors, vous connaissez l'étymologie. C'est Caleb, le chien. Caleb, c'est le chien. Alors, le chien, comme aujourd'hui, il peut avoir une connotation négative et positive, mais il y a en effet des noms propres qui montrent que le mot Caleb associe la fidélité. Donc il y a des noms propres comme Kalbi Marduk, le chien de Marduk, ce qui veut dire serviteur fidèle de Marduk, ou Kalbi Sin, serviteur fidèle de Sin. À Ugarit, il y a même un chien des dieux qui apparemment le dieu lunaire, mais ce n'est pas tout à fait clair. Donc Caleb est apparemment la forme abrégée d'un nom théophore. Caleb quelque chose. Peut-être là, comme Moïse, on a laissé de côté le nom théophore, on va le voir. Ce qu'on peut dire, qu'il apparaît très souvent en lien avec la région de Hébron. Il est lié apparemment à Hébron, comme dans ce texte Josué 14, où il explique, en fait, c'est un discours de Caleb, où il explique, en fait, pourquoi il a reçu ce territoire-là. Et là, on lui donne un âge, il dit il a 84 ans, donc il a apparemment une génération au-dessus de Moïse, puisque Moïse meurt à 120 ans, et puis là, il a 80, donc voilà, il est un peu décalé. Et c'est pourquoi Caleb, fils de Yéphouné, le Kénizite, a eu Hébron comme patrimoine. Alors, il est appelé Kénizite. Qu'est-ce que c'est un Kénizite ? Ça, c'est très intéressant également, puisque en Genèse 36, dans la généalogie d'Ésaü, Kénaz est donc le petit-fils d'Ésaü. Donc, il fait partie des Édomites. Et donc, on peut imaginer que Caleb, à l'origine, c'est en effet l'ancêtre d'un clan édomite. Après, on a l'impression qu'on veut un peu judaïser Caleb. Déjà, au nombre 13-14, il est tout à coup le représentant de la tribu de Juda, dont le chronique, on le présente ensemble avec Kenaz comme faisant partie de la descendance de Juda. Et puis, dans une autre généalogie aussi très compliquée, tout ça, il est en fait le petit-fils de Juda, mais son père est Hetzron et non plus Yéphouné. Donc c'est également assez complexe. Et on apprend aussi qu'il a une fille qui s'appelle Aksa. Et ensuite, il est le grand-père d'un dénommé Bézalel. Et ce Bézalel, on le trouve lors de la construction du sanctuaire, comme un des artisans du sanctuaire, ce qui pose évidemment un problème chronologique, parce que ce sanctuaire s'est construit avant. Donc c'est difficile si Caleb est le grand-père, ou alors il faut dire c'est une autre figure. Les personnes intéressées par le rôle des femmes dans la Bible pourraient s'intéresser à la fille de Caleb, qui apparaît deux fois et qui réclame à son père, en fait, des possessions de terre et aussi de l'eau. Le père le fait, lui donne en fait des possessions, et donc on est un tout petit peu dans la même idée de ce que nous allons voir la prochaine fois, à savoir que les femmes peuvent posséder des terres. Les femmes peuvent posséder des terres, et ce qui montre peut-être, en effet, avec des sources d'eau en plus, ce qui montre peut-être un certain changement du statut des femmes. Et si vous êtes intéressé à ces questions-là, je vous conseille le livre de Corinne Lanoir sur les femmes fatales et les filles rebelles, qui est une analyse des femmes dans le livre des Juges. Donc la figure de Caleb, revenons à Caleb, c'est certainement à l'origine un Édomite et qui est intégré dans la tribu de Juda. Mais on peut aller encore plus loin, puisque Caleb n'est pas seulement intégré dans Juda, il est aussi un vénérateur de Yahvé. On dit de Caleb, et c'est le seul qui a droit à cette expression-là, dans toute la Bible, il y a une expression qui se dit « Mile Ahare Adonai », être entièrement derrière Yahvé, suivre pleinement Yahvé. Et cette expression, elle est réservée dans toute la Bible à Caleb. Donc ça indique en effet que Caleb, ou la tribu qu'il représente, c'est sans doute une tribu yaviste. Et si vous vous souvenez, il y a quelques ans, nous avons parlé un peu des origines de Yahvé. Je vous ai dit que peut-être Yahvé vient d'Édom, ou que Yahvé était au moins aussi vénéré dans le territoire édomite. Et là, vous avez en fait un autre indice qui va dans cette direction. Caleb, un Édomite, fidèle serviteur de Yahvé, et ensuite intégré dans Juda. Dans le contexte socio-historique, on peut imaginer ça de la manière suivante, c'est que probablement à l'époque perse, la région autour de Hébron était sans doute peuplée à la fois par des Judéens et par des Édomites. Et en fait, ce qui reflète le texte, c'est un peu cette ouverture en se disant, mais en fait, les Édomites, c'est un peu comme nous. Ils vénèrent le même Dieu. Hein, on peut s'entendre, on parle le même dialecte. Hein, et donc, via Caleb, en fait, on fait ici une sorte d'alliance d'un groupe judéo-édomite habitant sans doute la région autour de Hébron. C'est pour cela, en fait, Caleb est si important dans ces textes-là. C'est une manière, en fait, de gérer les rapports avec les Édomites d'une manière beaucoup plus ouverte que dans certains textes prophétiques où on condamne les Édomites, où ils sont considérés comme étant les grands ennemis. Là, au contraire, hein, c'est en fait quelqu'un qui va être intégré même dans Juda. Donc, on peut dire que, grosso modo, à l'origine de ces traditions, nous avons une tradition sur la conquête, peut-être une tradition sur la conquête de Caleb, hein, qui explique comment Caleb s'est emparé de Hébron, qui est intégré ensuite dans Juda, qui ensuite, en fait, sert d'un récit de base qui raconte de manière négative maintenant pourquoi, contrairement à Caleb, l'ensemble du peuple n'a pas pris le pays. Ce récit est repris d'abord oralement et repris ensuite par écrit en Deutéronome 1 et ensuite en Nombre 13-14 dans une version non sacerdotale, ensuite suivie d'une version sacerdotale et finalement des révisions jusqu'à la fin donc de la complétion du Pentateuque. Plutôt Caleb dans une perspective de l'exatèque, parce qu'on va parler de lui beaucoup aussi dans le livre de Josué. I am bound for a kingdom land to that right foolish stone show. Le Collège de France et France Culture vous présente l'exégète philologue Thomas Romer, Israël dans le désert, aujourd'hui le refus de la conquête et les 40 ans dans le désert. Maintenant, reprenons quelques détails de ce texte. Donc, en fait, le point de départ, c'est le désert de Paran. Comme je vous ai dit, en fait, on n'est pas très loin du pays. Donc, s'ils étaient entrés, ben, voilà, ils n'auraient pas dû errer 40 ans dans le désert. Là, on parle simplement du désert de Paran. Plus tard, on va préciser que ça se passe autour d'une oasis du nom de Kadesh, là, en fait, où commence le récit en Deutéronome 1. Nous avons là tout un vocabulaire sacerdotal, donc ça veut dire que le début du verset, du chapitre 13 est certainement l'œuvre d'un groupe sacerdotal. Après, nous avons une liste des espions selon les tribus, donc un espion par tribu. Alors donc, Moïse envoie le peuple dans le pays. Dans le récit ancien, le pays à explorer, c'est en fait la région autour de Hébron. C'est le Negev. Donc c'est lié en fait à la tradition sur Caleb. Et la question, c'est une question alternative et qui va être aussi une grande question en fait après. Est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais pays? Est-ce que c'est un pays fertile ou est-ce que c'est un pays infertile? Et on peut voir derrière cela tout un débat en fait à l'époque perse par rapport à la question « Faut-il vraiment rentrer dans ce pays ?» est-ce un bon pays? Ou est-ce que le pays où on se trouve, à Babylone, en Égypte, est-ce que ce n'est pas meilleur? Est-ce que c'est un bon pays? Donc c'est très... Il y a une grande insistance sur ces bons pays. Alors que dans les versets suivants, ce pays est un pays immense qui va du désert de Tsin jusqu'à Levo Hamat, en passant par Rehov. Alors Rehov, en fait, se trouve dans le nord d'Israël, dans la vallée de Beth She'an. Alors, est-ce que c'est par hasard ou non? Parce qu'à Beth Rehov, on a trouvé des traces d'apiculture. Donc, on a apparemment produit du miel. Et comme on va parler du pays où coule le lait, le miel, parce qu'on a toujours dit que le miel, c'est le jus de date, mais c'est peut-être du vrai miel, puisque à Beth Rehov... Alors, est-ce que c'est pour cela qu'on le mentionne? Je ne saurais pas l'affirmer, mais c'est quand même intéressant. Mais on va encore plus loin, on va jusqu'à Lebo Hamat, qui est connu dans les sources égyptiennes et assyriennes, qui se trouve à une des sources de l'Oronte, on est quand même très très haut. Ça, c'est en effet de nouveau une sorte de vision idéalisée du pays, qu'on va parfois utiliser pour décrire l'étendue de l'empire de David et de Salomon, évidemment au niveau de la narration, et qu'on reprend ici. Donc, on parle du désert de Tsin et pas de Paran, qui semble se trouver un peu en frontière, jusqu'à Lebo Hamat, donc vraiment une étendue assez maximale. Par contre, le verset suivant revient sur Hébron. Hébron, évidemment, le sanctuaire le plus important du Sud, un centre social, économique très important. Alors, le retour, la description du pays, les 40 jours, évidemment, sont là pour préparer les 40 ans dans le désert. Là, maintenant, on apprend que le peuple se trouve plus précisément à Kadesh, Kadesh Barnea, parfois pour le distinguer d'un autre Kadesh plus dans le nord, et qui a pu être identifié assez précisément parce qu'il y a en effet deux sources, un endroit qu'on appelle Tel El Kuderat, où on a constaté des périodes d'occupation entre le 10e et le 6e siècle avant l'ère chrétienne. Donc on peut imaginer, en effet, que c'est un lieu qui a servi en fait de forteresse pour les rois de Juda, peut-être après pour les Babyloniens ou pour les Perses par rapport à l'Égypte. Donc on a déjà parlé du pays où coule le lait et le miel. À Ougarit, c'est une expression pour une sorte de nourriture céleste. Ici, c'est peut-être simplement la fertilité du pays. Comme je viens de vous le dire, c'est peut-être vraiment du miel et pas le jus de date, comme on dit parfois. Après, on a cette glosse sur les habitants du pays qui s'inspire des listes de peuples. Donc, si vous lisez les livres de l'Exode ou de Josué, vous avez toujours des listes de 6 ou de 7 peuples qui habitent le pays, qui est repris ici, mais avec d'autres noms. Amalek, on l'a vu en Exode 17, lorsqu'on a fait le cours sur Moïse, comme vraiment le premier ennemi d'Israël dans le désert. Et les Hittites et les Amorites, alors évidemment, ils n'ont jamais habité dans le Levant. Ça, c'est en effet des noms qui sont... Les Hittites, il faut les mettre en Anatolie, les Amorites, il faut les mettre beaucoup plus en Mésopotamie, en Syrie. Donc, c'est des noms, en fait, qui viennent de noms très généraux et qui présupposent, en fait, l'utilisation des Assyriens qui utilisaient ces noms-là, des Hatti et des Amourous, pour parler de l'ensemble des habitants du Proche-Orient ancien. Donc, Caleb est le seul, comme je vous ai dit d'abord, à exhorter à la conquête. Les autres décrivent le pays avec la racine d'Iba, comme Joseph décrit ou calomnie ses frères. Et on appelle, ou disons, on parle après d'un pays qui dévore ses habitants. C'est une expression, en fait, qu'on trouve à plusieurs endroits. Le pays, probablement mis en parallèle presque avec le Sheol, avec les enfers, parce qu'on parle souvent du Sheol ou de Sheol comme un endroit qui dévore ceux qui descendent. La gueule de l'enfer qui avale tous ceux qui doivent descendre. Mais on le dit aussi au pays soit au pays de Juda, où on dit dans le livre d'Ézéchiel, tu as dévoré les humains, ce qui en fait fait allusion à la situation du pays après l'invasion babylonienne, ou l'autre pays où on va aller en exil, c'est un pays de vos ennemis qui vous dévorera. Donc l'idée, c'est en effet que c'est un pays dangereux et dans lequel on va mourir. Les Anakites, ici, sont identifiés encore aux Néphilim, qui sont, en Genèse 6, en fait, les descendants de la réunion entre les fils des dieux et les filles des hommes. Donc, c'est des êtres vraiment dangereux, à moitié divins, alors que, par rapport à eux, les explorateurs se comparent eux-mêmes avec des sauterelles. À leurs yeux, nous sommes que des sauterelles. Les sauterelles, évidemment, ça marche bien avec le pays qui dévore ses habitants. Les sauterelles, c'est facile à dévorer. Et évidemment, c'est la plus petite des créatures comestibles si on prend la liste du Lévitique 11 qui, en fait, détaille ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Et puis, on arrive donc au chapitre 14 où, en effet, le peuple se met en rébellion. Et évidemment, c'est la suite du chapitre précédent, mais en même temps, on voit aussi que ça a une certaine structure aussi indépendante. La racine loune, murmurer, protester, se rébeller, se trouve au début, à la fin du chapitre, et puis il y a cet cadre qui est fait par la révolte du peuple et le dernier discours de Yahvé où il annonce les punitions. Le peuple dit « Ah, si nous étions morts en Égypte ou dans le désert ». Yahvé dit, dans ce désert, vous allez mourir. Pourquoi Yahvé nous a fait entrer dans le pays? Vous n'entrerez pas dans le pays. Nous tomberons par l'épée. Vos cadavres tomberont dans le désert. Donc, il y a vraiment cet encadrement. Le peuple se plaint. Et cette plainte va être utilisée, en fait, pour définir la sanction divine. D'abord, ce désir, en fait, de mourir et de retourner en Égypte. Donc à l'origine, ce sont deux désirs différents. La volonté de mourir pour ne pas affronter la suite, connaissait ça de Jérémie, de Élie, de Job. Et ensuite, l'idée de l'Égypte comme point de salut, alors que ce point de salut, le retour en Égypte en Deutéronome 28, dans la grande série des punitions divines, c'est la pire des malédictions. Et le peuple le choisit ici. Donc, nous voulons retourner en Égypte. Alors, à la fin, Dieu va dire, tournez en direction de la mer des gens. Et comme je vous ai dit, c'est juste un petit rappel. Pourquoi comme je vous ai dit, dans ces textes de la nostalgie de l'Égypte, ce pourquoi ne reçoit jamais de réponse. Le peuple se plaint toujours. Et la question pourquoi faut-il sortir d'Égypte reste une question toujours ouverte. Et là, derrière, comme je vous ai dit, se trouve sans doute toute une discussion à l'époque perse dans la diaspora. Faut-il, vivre ou non, quitter Babylone, quitter l'Égypte pour retourner dans le pays? Donc le peuple, là, maintenant, vraiment prend les choses sérieusement. Et d'une certaine manière, cela accomplit une sorte de crainte de Dieu. En Exode 13, déjà lorsque le peuple commençait à sortir d'Égypte, il est dit, Dieu ne le met pas dans le chemin le plus direct, parce qu'il a dit, s'ils verront tous les ennemis, ils auront peur des guerres et ils retourneront en Égypte. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en Nombre 14, 4. Maintenant, le peuple veut un autre chef que Moïse et Aaron. Et c'est une sorte de contre-programme à Exode 18, parce que les chefs en Exode 18, lorsque Moïse, suite au conseil de son beau-père, s'était choisi des chefs de peuple, c'était en effet pour travailler avec lui. Et ici, le peuple, en fait, veut un chef qui va remplacer, d'une certaine manière, Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, donc, se prosternent devant la communauté. Donc là, on est de nouveau dans la terminologie sacerdotale. On ne dit pas très bien quel est le sens de ce geste. Est-ce que c'est une supplication, un abaissement, un désarroi? Comme je vous ai dit, ils restent muets. Il reste muet. Le fil narratif continue ensuite au verset 10 avec la volonté du peuple de lapider ces deux chefs. Et entre les deux, on a inséré ce discours de Josué et Caleb qui, curieusement, exhorte le peuple, mais qui fait nullement allusion au projet du peuple de retourner en Égypte. Ça n'intervient pas du tout dans ce discours. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Probablement que ce verset-là a été ajouté après coup parce qu'ils ne font pas encore allusion. Par contre, ils disent « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Moïse le disait déjà au moment où on traversait la mer et les Égyptiens arrivaient. Mais c'est aussi, évidemment, un langage militaire puisqu'on le trouve souvent dans les textes assyriens quand il y a la déesse Ishtar qui apparaît au roi assyrien avant qu'il part en campagne. Donc, c'est un contexte aussi militaire. Ne craignez pas. N'ayez pas peur, comme dirait le pape. Mais là, c'est plutôt l'idée donc de ne pas avoir peur de ses ennemis. Et cela est repris maintenant par Josué et Caleb. Et après, on a cette expression très intéressante. Il ne faut pas craindre le Am Haaretz, le peuple du pays. Alors là, de nouveau, vous pouvez le lire de deux manières. Évidemment, sur le plan de la narration, le peuple du pays, c'est simplement la population autochtone du pays qu'il faut conquérir. Mais, dans beaucoup de textes de l'époque perse, Am Haaretz, ça devient une expression péjorative. Une expression péjorative pour la population qui n'a pas été exilée, qui restait dans le pays et à laquelle on reproche en fait de s'être mélangée avec d'autres peuples, etc. Et donc, si on le lit à ce niveau-là, on peut aussi le lire en fait comme une sorte de conflit entre les exilés qui reviennent et la population autochtone qui va ce retour, disons, avec un certain scepticisme, au moins. Donc, il y a là sans doute des conflits entre populations de la diaspora et ceux restés dans le pays. Et cette double lecture continue avec l'idée que leur ombre ne leur sera d'aucun secours. L'ombre, c'est en fait celle utilisée souvent pour exprimer la protection d'un roi ou d'un dieu, comme vous l'avez ici en Lamentation, où c'est le Messie qui est l'ombre. Donc là, vous pouvez de nouveau le lire à deux niveaux. Au niveau de la narration, leur ombre, c'est-à-dire leur dieu à eux, ne seront d'aucun secours pour eux. Ou alors, de nouveau, si vous lisez dans un contexte de conflit entre non-exilés et la Gola, en fait, on peut y lire une sorte d'accusation de la population autochtone de se mettre sous la protection d'autres dieux. Et ça, c'est un grand thème aussi. On accuse en fait ceux qui n'ont pas été exilés de vénérer d'autres divinités. Ça commence déjà en 2 Rois 17 et ça continue ainsi. Le projet de lapidation du peuple, évidemment, c'est un peu la culmination parce que déjà dans Exode 17, Moïse avait peur d'être lapidé, maintenant ça arrive, mais surtout si vous prenez au Lévitique, la lapidation est la sanction des idolâtres et des blasphémateurs. Si vous mettez ça en lien, en fait le peuple considère Moïse et Aaron comme des blasphémateurs d'une certaine manière parce qu'ils le mènent dans le désert. Donc c'est vraiment un peu la rupture la plus totale et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'apparaît le Kavod Adonai, la gloire de Yahvé, une sorte de nuée lumineuse, comme le Melamou dans les dieux mésopotamiens, avec donc l'idée qu'il apparaît autour de la tente de la rencontre, qu'on imagine là, de nouveau à l'extérieur du camp, on a déjà parlé de cette tente de la rencontre, et commence alors le discours de Yahvé, qui en fait va annoncer qu'il va maintenant frapper le peuple avec la peste. Et là, si vous vous souvenez de Exode 5, Moïse, lorsqu'il a négocié avec Pharaon, il a dit « Il faut que tu nous donnes du congé, parce qu'autrement, notre Dieu est un Dieu violent qui nous, pour qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. La peste et l'épée, c'est justement les deux thèmes qu'on va retrouver donc ici. L'idée, c'est de faire de Moïse un ancêtre. Parce qu'il dit, je vais tuer ce peuple, et de toi, je vais faire l'ancêtre d'un nouveau peuple. Et ça, c'est tout l'enjeu, en fait, autour du personnage de Moïse. Est-ce que Moïse est un ancêtre ? Abraham, Isaac, Jacob, certes, mais pas Moïse. Moïse n'est pas un ancêtre. Il a des fils. Combien ? Je ne sais pas trop, deux. Mais ils disparaissent dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et il n'est pas succédé par ses fils. Il sera succédé par Josué, qui n'a aucun lien de parenté avec lui. Et donc tout ce grand discours d'intercession qui va se mettre en place de manière un peu compliquée, hein, tous ces grands discours, en fait, sert à convaincre Yahvé de changer d'avis. Parce qu'il va dire, c'est compliqué, donc je n'entre pas dans le détail, c'est comme si Moïse continue le discours de Yahvé. Oui, je veux faire ceci et cela. Et puis Moïse, de certaine manière un peu ironique, dit oui, oui. Et puis l'Égypte, ben, l'Égypte entendra que tu as fait monter le pays, que tu n'as pas pu le entrer dans le pays, et puis les habitants du pays, etc. Donc en fait, il appelle d'abord, d'une certaine manière, à l'honneur de Yahvé face aux autres peuples. Donc il y a deux parties. La première partie, un peu ce que diront les peuples avec l'Égypte en premier, et dans la deuxième partie, comme tu l'as dit toi-même, en faisant appel à la loyauté, à la bonté de Yahvé. Donc, en fait, il y a deux parties dans l'argumentaire de Moïse. Le premier argument, c'est en effet de faire appel à la réputation de Yahvé face aux autres nations. Donc là, c'est un thème assez classique. Il y a une sorte de compétition entre les dieux, mais qu'est-ce qu'ils diront les autres ? Il a fait sortir ce peuple, il n'a pas pu faire l'entrée dans le pays. Et puis, évidemment, en rappelant tous les signes de la présence divine, en parlant en fait de la colonne de feu et de nuée, hein, qui accompagne le peuple, qui reprend sans doute cette idée assyrienne, hein, de ce que les Assyriens appellent les précurseurs, les Alikat Mahri, donc une sorte de symbole divine aussi, dans le feu, dans la nuée, qui précède l'armée. Et ensuite, on a ce deuxième argument où, en effet, on reprend un texte qui est très important aussi dans le livre prophétique, Exode 37, où Yahvé passe devant Moïse et il dit de lui-même « Dieu miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et loyauté, restant fidèle à des milliers de générations, supportant la faute, la rébellion, le péché, mais sans rien laisser impuni. » Et poursuivons les faits, la faute des pères chez les fils jusqu'à la quatrième génération. C'est repris en partie dans le Décalogue, ça se trouve dans certains textes prophétiques. Et si vous comparez Exode 34 et Nombre 14, voyez que Nombre 14 reprend presque tout, sauf qu'il reste fidèle à des milliers de générations. Ça, ça ne va pas très bien ici, hein, puisque la première génération déjà va en effet faire l'expérience de la sanction. Donc, en effet, Moïse demande à Yahvé de pardonner au peuple et Dieu dit « Je pardonne selon tes paroles ». Mais c'est un drôle de pardon, puisque aussitôt, en fait, après avoir dit « Je pardonne », il annonce en fait que tous les hommes qui m'ont tenté déjà 10 fois, ne verront pas le pays que j'ai promis à leur père. Donc, qu'est-ce que c'est comme pardon ? Là derrière, sans doute aussi, on a quelque chose, une sorte de tension entre sanction et pardon. Et c'est lié aussi peut-être à une situation, après la destruction de Jérusalem, une situation de post-587, où se pose la question, la première génération, elle a été punie, qu'adviendra de la deuxième ? Vous avez, par exemple, en Ézéchiel, ce proverbe des jeunes qui disent « C'est les pères qui ont mangé des raisins pas mûrs et c'est nous qui avons les dents abîmées. » Donc l'idée, en fait, est-ce que la deuxième génération va porter les fautes des pères. Et c'est justement à cela aussi que répond ce texte. Il dit non, c'est la première génération qui sera sanctionnée, mais pas la deuxième. Donc le pardon, en fait, semble aussi vouloir un peu rétablir ou, disons, intervenir dans cette discussion autour de l'avenir après la destruction, après l'exil. Ensuite, Caleb est donc exclu. Le peuple doit retourner vers le Yamsouf, vers la mer des gens. Alors on dit parfois c'est le golfe d'Aqaba, peut-être, mais l'idée c'est quand même un peu de revenir sur cette idée que le peuple voulait retourner en Égypte, alors il va retourner. Et puis malgré cette sanction, il y a possibilité donc pour la deuxième génération d'entrer dans le pays, alors que la première, en réponse aux 40 ans, va demeurer 40 ans dans le désert. Et le peuple qui avait peur que ces cadavres vont tomber dans le désert, oui, en effet, ce sera le fait. Donc, Caleb et Josué sont mentionnés ici, ensemble. Et donc, après, encore un détail qui peut être un ajout, à savoir que les explorateurs, maintenant, sont singularisés par rapport au peuple, parce qu'on va raconter qu'ils meurent immédiatement par une plaie, de nouveau qui n'est pas précisée, hein, pour avoir une sorte de sanction finale. Et à ce moment-là, le peuple se dit « Nous allons maintenant quand même conquérir. » Moïse dit « C'est plus du tout la peine. » Et donc c'est une sorte d'anti-guerre de Yahvé. Donc là, le peuple, de sa propre initiative, veut monter. Et évidemment, ça va très mal se passer. On parle que le peuple va vers le lieu que Yahvé a dit, en reprenant un peu les promesses divines en Genèse 12. Mais ni l'Arche ni Moïse vont participer au combat, et donc ça va être en effet une défaite cinglante à Chorma, qui est en lien avec Cherem, Chorma, Cherem, l'interdit. Donc on peut se poser la question si c'est un nom symbolique ou si on peut en effet localiser ce lieu avec un de ces quatre sites. Donc, comme l'heure est avancée, je ne vais pas détailler tout cela. Mais puisqu'on le retrouve, Roma, encore une fois, en nombre 21, ça devrait être un site pas trop loin de Arad, parce que, la prochaine fois, vous allez voir que Moïse a déjà fait des conquêtes. Hein, Moïse va conquérir Arad. Hein, c'est assez intéressant. On ne le sait pas toujours très bien. Donc, résumons très très brièvement. Ce texte est vraiment le texte central du livre du Nombre, le texte probablement le plus ancien à partir duquel tout le livre a grandi. Le refus de la conquête, ou la question, est-ce que le pays est bon ou mauvais? Faut-il entrer ou non? Qu'advient-il de la deuxième génération? Tout cela sont des questions qui se comprennent très très bien dans un contexte de post-587. On constate également que on peut intégrer dans ces textes des traditions plus anciennes de Caleb, mais qui avaient sans doute aussi une certaine actualité et qui gardent le souvenir que Yahvé était aussi un dieu vénéré en Édom. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le 27 avril 2017 la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le refus de la conquête et les 40 ans dans le désert, chapitres 13 et 14 du Livre des Nombres. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié au Seuil L'invention de Dieu en 2014 et chez Bayard en 2016 avec Albert de Purie et Conrad Schmitt, l'Ancien Testament commenté, la Genèse. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, l'exégète philologue Thomas Römer achèvera son interrogation du Livre des Nombres pour sa série intitulée Israël dans le désert. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.